Dossier 3, livre page 28. Un journaliste réalise un sondage sur la lecture. Il demande à quelques passants dans la rue leur avis sur le sujet. D'après moi, la lecture est surtout un moyen pour mieux comprendre la vie. Mon père me disait toujours « Écoute, finis tes devoirs et lis chaque jour quelques pages. C'est ainsi que tu comprendras mieux la vie. » J'adore la lecture depuis mon enfance. Je suis un vrai rat de bibliothèque. C'est un moyen de voyager sans sortir de chez soi, un moyen de se cultiver. Je pense que la lecture aujourd'hui est menacée par la présence de la télévision qui est toujours disponible. En plus, si les livres ne sont pas adaptés à l'âge et au goût des enfants, ils pourront éloigner l'enfant de la lecture à jamais.